trop ennuyeux, pas d'étincelle au fond des yeux. Ça tourne en boucle, c'est sans issue, plus aucun doute, il meurt.